الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المؤمنون عباد الله إن الصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين يا عماد الدين وأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى يا قرة عيون الموحدين وجنات العارفين قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز وأقم الصلاة لذكري ثم أعلم رحمني الله وإياكم أن أفضل الصلاة أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة هي صلاة الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم ليصلي حتى ترم قدماه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. رواه البخاري. عباد الله، لقد أثنى الله سبحانه وتعالى على المتهجدين في الليل ووعدهم بأحسن الإكرام ورغب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته إلى صلاة الليل. قال الله سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ويقول ربنا عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما هؤلاء هم عباد الرحمن. إضافة التشريف والتكريم إلى الله سبحانه وتعالى باسم الرحمن إشارة إلى حظهم العظيم من رحمة الله سبحانه وتعالى. أكثر الناس يتلذذون بالنوم وهؤلاء يتلذذون بمناجاة رب العالمين السميع البصير سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ويقول سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هؤلاء لعلمهم بأسماء الله جل وعلا وصفاته سبحانه وتعالى وما يقدمون إليه يوم القيامة وشدة أحواله يقومون الليل خوفا وطمعا بين الخوف والرجاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أمته على قيام الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ويترد الداء عن الجسد. رواه أحمد وصححه العلامة الألباني رحمهما الله. وقال في شأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نعم الرجل عبد الله ابن عمر لو كان يصلي من الليل. رواه البخاري ومسلم. فقال سالم وهو ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. وأهل الصلاة بالليل هم أهل الجنة ولهم غرف خاصة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقيل: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام، أي صلى بالليل. رواه الحاكم وصححه الألباني رحمه الله. وقد جاء جبريل عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، عيش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، رواه الحاكم وحسنه الألباني. وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام بعبادة الليل، فقال: ومن الليل فتهجد به نافلة نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أو يبعثك مقاما محمودا. وكانت هذه العبادة دأب الصالحين من قبلنا، بدءا بالخلفاء الراشدين، وهكذا أمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم. هذا شداد بن أوس إذا آوى إلى فراشه كأنه حبه على ملقاه، ثم يقول: اللهم إن جهنم لا تدعني أنام، فيقوم إلى مصلاه. وها نحن في شهر رمضان بحمد الله سبحانه وتعالى، وصلاة الليل لا فضل خاص في ليالي شهر رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. أيها المؤمنون، قد بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم ببشارة عظيمة تحثنا على قيام الليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطي له، ومن يستغفرني فأغفر له. رواه البخاري ومسلم. هذا من أقوى المعين على قيام الليل بعد الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعيننا على المحافظة على الصلوات الخمس، وأن نزيد النوافل بعدها. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من صام وقام. وبعد، أيها المؤمنون، comme vous le savez tous, la prière est le pilier de l'islam le plus important après l'attestation de foi. C'est l'action la plus aimée chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la chose la plus aimée chez les croyants et le délice des connaisseurs. Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonne dans le Coran d'accomplir la prière afin de nous souvenir de lui. Il nous ordonne de préserver nos prières et de les effectuer dans le temps. Sachez après cela, chers frères, que la prière la plus aimée chez Allah subhanahu wa ta'ala, la meilleure des prières après les cinq prières obligatoires, est la prière de nuit. Et la nuit, la prière de nuit commence après Salatul Isha, commence après la prière du Isha et s'arrête à la prière du Fajr, s'arrête avec l'entrée de la prière du Fajr. Dans de nombreux versets, Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges de ceux qui prient la nuit. Tout cela pour nous encourager, nous pousser à nous lever la nuit afin de l'adorer, une partie de celle-ci. Tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourageait ses compagnons et a encouragé sa communauté afin que nous fassions partie de ceux qui prennent de leur nuit comme provision pour la rencontre d'avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « La meilleure prière après les prières obligatoires est la prière de nuit. » Et la prière de nuit, et c'est la tradition de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Mughira ibn Shu'ba nous dit, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait la nuit au point que ses talons, au point que ses pieds s'effritaient, au point que ses talons ou bien ses pieds s'effritaient. Alors on lui disait, pourquoi tout cela au messager d'Allah? Et lui de répondre, ne devrais-je donc pas être un serviteur reconnaissant? Donc la reconnaissance n'est pas qu'une parole avec la langue, mais ça se traduit également de par le cœur et les actions avec les membres. Allah subhanahu wa ta'ala, dans de nombreux versets, nous encourage à nous lever la nuit pour l'adorer, une partie de celle-ci. Il nous enseigne que les personnes pieuses seront dans des jardins dans lesquels il y aura des ruisseaux. Il nous enseigne également leurs caractéristiques, celles qu'ils avaient dans ce bas monde. Il nous dit, subhanahu wa ta'ala, selon la traduction, ils dormaient peu durant la nuit, et dans le dernier moment de la nuit, ils lui demandaient pardon. Les savants expliquaient cela en disant, ils se levaient durant la nuit, priaient une grande partie de la nuit, puis ils avaient comme ferme conviction qu'Allah méritait bien mieux que cela, et ils voyaient dans leurs actions de nombreuses imperfections. Alors ils demandaient pardon à Allah Azza wa Jal pour leur imperfection dans ses prières. Que dira alors de celui qui ne se lève pas pour les prières obligatoires? « Wa la hawla wa la quwwata illa billah » Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit les meilleurs de ses serviteurs, ce qu'il a appelé les serviteurs du tout miséricordieux. Et parmi leurs caractéristiques, c'est que lorsqu'ils marchent sur la terre, ils sont humbles. Ils marchent et ils sont humbles, ils ne sont pas orgueilleux. Et lorsqu'on leur parle et qu'on s'adresse d'une mauvaise manière à eux, ils répondent « Salam, à paix ». Puis, la caractéristique qui fait référence à notre sujet est qu'ils passent une partie de leur nuit prosternés en prière. Ils passent une partie de leur nuit prosternés en prière pour leur Seigneur. Ils se lèvent la nuit, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, on remarque dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a annexé ses serviteurs à lui-même subhanahu wa ta'ala en disant les serviteurs du tout miséricordieux. Les savants ont dit, on les a appelés ainsi car ils ont une grande place et une grande part dans la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Celui qui prie, Allah lui fait miséricorde. Celui qui se lève la nuit aura fait une des grandes causes pour qu'Allah ait pitié de lui. La plupart des gens trouvent leur plus grand plaisir dans le sommeil. Après avoir mangé, bu et avoir commercé avec leurs épouses durant la journée. Alors que ces gens-là, ceux qui ont su pourquoi ils avaient été créés, trouvent leur plus grand plaisir dans le fait de se tenir debout dans la nuit devant Allah subhanahu wa ta'ala, de l'invoquer, de se tenir incliné, prosterné pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit d'Allah wa ala, selon la traduction, leurs flancs s'arrachent de leur lit afin qu'ils invoquent leur Seigneur avec crainte et espoir. Et de ce dont on leur a accordé, ils dépensent. Ces serviteurs-là, ils ne restent pas collés à leur lit. Ils se lèvent, ils se détachent de leur lit. Pourquoi cela? Afin d'invoquer Allah Azza wa Jal avec crainte et espoir. Allah subhanahu wa ta'ala a aussi fait les éloges de ceux qui se lèvent la nuit, car ils ont peur de lui. Ils ont peur de l'au-delà. Ils espèrent la miséricorde d'Allah, mais ils ont peur de l'au-delà. Puis Allah nous dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Les savants disent, c'est-à-dire que celui qui a la science des noms d'Allah Azza wa Jal, de ses attributs et de ce qu'il attend le jour du jugement dernier, cela sera une grande cause pour qu'il se lève durant la nuit, pour qu'il invoque Allah Azza wa Jal, prie et lui demande pardon pour ses péchés, car il a peur de comparaître devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, accomplissez la prière de nuit, car c'était l'habitude des gens pieux avant vous. C'est une action qui vous rapproche d'Allah le Très-Haut. C'est une action par laquelle vos péchés seront pardonnés. C'est une action par laquelle vos péchés seront pardonnés. Et c'est un remède contre la maladie. C'est un remède contre la maladie pour éloigner la maladie du corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait les éloges de ses compagnons à travers cette qualité. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, quelle bonne personne est Abdullah ibn Omar, si seulement il priait la nuit. Abdullah ibn Omar, après cela, son fils Salim nous dit qu'il dormait que très peu la nuit et il ne délaissait plus Qiyamul Layl. Lorsqu'il a entendu ce hadith, il a pris une partie de ses nuits pour adorer Allah Azza wa Jal. La prière de nuit est une cause pour entrer au paradis. Et ceux qui prient la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, il y a au paradis des appartements dont on verra l'extérieur de l'intérieur et l'intérieur de l'extérieur. Alors un homme lui dit, à qui appartiennent-ils, aux messagers d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, ceci pour celui qui parle convenablement, qui nourrit les gens et qui prie la nuit alors que les gens dorment, et qui prie la nuit alors que les gens dorment. Ceci est une cause pour entrer au paradis, et c'est également une cause pour avoir ses appartements au paradis, le fait de préserver sa langue et de ne parler qu'avec de bonnes paroles, le fait de nourrir les gens dans le besoin ou d'offrir de la nourriture aux autres, et le fait de passer des nuits en prière, c'est-à-dire une partie de la nuit en prière. Jibril alayhi salam est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, oh Muhammad, vis autant de temps que tu veux, tu es amené à mourir. Aime qui tu veux, tu seras amené à t'en séparer. Agis comme tu le veux, tu en seras rétribué. Et sache que la noblesse du croyant se trouve dans les prières de nuit. Et la puissance du croyant dans le fait de se mettre à l'abri des gens. C'est-à-dire, il ne demande rien, il se passe largement des gens. Allah Azza wa Jal a ordonné cela à son messager. Et il lui a dit de se lever une partie de la nuit. Il lui a ordonné de se lever une partie de la nuit. Et c'est ainsi que se comportaient les pieux prédécesseurs. Abu Bakr radiallahu anhu prenait une partie de la nuit pour prier. Et il priait à voix basse. Omar radiallahu anhu priait une partie de la nuit. Un jour, Muawiya est venu et n'a pas voulu le déranger, croyant qu'il dormait. Alors Omar ibn al-Khattab lui a dit, malheur à toi, ô Muawiya. Si je dors la journée, je ne vais pas m'acquitter de mon devoir envers le peuple. Et si je dors la nuit, je ne vais pas m'acquitter de mon devoir envers ma personne. Comment est-ce que je pourrais dormir avec cette responsabilité, ô Muawiya? Aïcha radiallahu anha se levait durant la nuit. Uthman radiallahu anhu se levait durant la nuit. Il se peut même qu'il finissait le Coran durant la nuit radiallahu anhu. Et c'est ainsi que faisait Ali ibn Abi Talib et d'autres parmi les pieux prédécesseurs. Shaddad ibn Aws, lorsqu'il se couchait, il ne trouvait pas le sommeil. Il se tournait dans son lit, puis il se levait et disait, ya Allah, le rappel de l'enfer m'a empêché de dormir. Puis il se levait et accomplissait des prières de nuit. Au temps des pieux prédécesseurs, une femme appartenant à un homme pieux a été vendue. Lorsqu'elle s'est retrouvée dans cette famille, elle s'est levée dans le dernier tiers de la nuit et a réveillé les membres de cette famille pour leur dire de se lever pour prier. Ils lui ont dit, est-ce que c'est l'heure du Fajr? Elle leur a répondu, mais vous ne priez que à l'heure du Fajr? Puis elle est repartie voir celui qui l'avait vendue pour le supplier afin qu'il la rachète. Car elle voulait vivre dans une famille où ils font Qiyamul Layl. C'est ainsi qu'étaient nos pieux prédécesseurs. Et nous sommes dans le mois de Ramadan, durant lequel on nous a vivement encouragés à prier la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui prie les nuits de Ramadan avec foi et espoir se verra pardonner l'ensemble de ses péchés passés. Donc on s'encourage mutuellement à la crainte d'Allah Azza wa Jal et à prier salat ut-tarawih derrière l'imam jusqu'au witr, jusqu'à la fin. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il finisse, on lui inscrira la nuit entière passée en prière. Tu auras la récompense d'avoir prié toute la nuit. Et les paroles des pieux prédécesseurs dans ce sujet sont très nombreuses. Naktafi bihada. De nombreuses personnes sont malades et vous demandent d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre frère Mohammadou qui était dans le coma s'est réveillé et il va un peu mieux. Walillah alhamd walminna. Il y a une autre personne qui est dans le coma et ses proches vous demandent d'invoquer Allah azza wa jalla en leur faveur. Et de nombreuses personnes d'ici et d'autres endroits sont malades. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yamunna 'alayhim wa 'alayna bish-shifa. Allahumma shfina wa shfi mardana wa rida al-muslimin. Allahumma shfina wa shfi mardana wa rida al-muslimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wa salli Allahumma wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères, comme cela a été dit, et je le rappelle, et ceci est profitable aux croyants, incha'Allah ta'ala, il nous faut acheter, pour être aux normes, des bungalows sur le côté de la mosquée, sur le terrain. Et il y a plus de 10 000 euros qui ont été dépensés. Et un frère vient d'ajouter 1 000 euros, jazakumullahu khayran. Donc on vous demande de donner autant que possible, afin que ceci puisse se concrétiser. Wa jazakumullahu khayran. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.